Eh bien, aujourd'hui, nous recevons un autre reporter qui lui aussi s'est investi dans cette histoire jusqu'à en devenir acteur. Il s'appelle Raphaël Kraft. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Les fidèles de la Maison Ronde vous connaissent bien puisque vous produisez des documentaires radio pour France Culture, dont celui-ci, Passeur, comment j'ai fait passer la frontière à des réfugiés, bah tout est dit, hein, diffusé en septembre 2016 dans l'émission de la série documentaire Expérience, dont vous avez également tiré un livre qui lui s'appelle Passeur, édité chez Bûcher Chastel. C'est tout récent, sorti en février, c'est ça? 19 janvier. Ouais. 19 janvier, donc c'est tout récent. Dans la première partie de l'émission, nous sommes revenus sur l'histoire de Lampedusa, l'une des portes de l'Europe pour ses migrants. Après cette étape, il y a parfois, même souvent, Ventimiglia, c'est une ville au l'extrême nord-ouest de l'Italie et qui fait la frontière avec la ville française de Menton. Eh bien, c'est là que vous décidez d'aller en septembre 2015 pour enquêter, écouter la parole de ces réfugiés bloqués entre la France et l'Italie. En arrivant à Ventimiglia, qu'est-ce que vous découvrez déjà d'emblée? Je découvre une situation qui est assez semblable à celle de Calais, puisque la frontière française est fermée en septembre 2015. Elle est fermée depuis juin 2015. Il y a eu au printemps 2015 à Paris beaucoup d'évacuations de camps. Beaucoup de camps et de formations de camps, d'évacuations de camps. La jungle de Calais, ce qu'on appelle la jungle de Calais, a de plus en plus de personnes. Et donc il y a une volonté du gouvernement français de limiter ce qu'il qualifie de flux de réfugiés passant en France ou voulant s'installer en France, mais pour un certain nombre voulant aller en Angleterre, en Allemagne ou en Scandinavie. Et donc il y a cette décision de vouloir fermer la frontière, comme ce fut le cas en 2011, lorsque les Tunisiens sont arrivés après la chute du gouvernement de Ben Ali, ou pendant la chute du gouvernement de Ben Ali. Et donc ces réfugiés se retrouvent face à la chaîne des Alpes, difficile à traverser, et à Menton, à Sospel, au col de Tende, la frontière est fermée avec plus ou moins de célérité. Menton, elle est surveillée H24, Sospel c'est un petit peu 6 heures, 8 heures par jour, et Tende aussi. Voilà, Sospel c'est déjà en montagne, au nord de Menton. Hein, oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a les migrants et les hommes et femmes d'Europe qui leur viennent en aide, comme à Lampedusa. Dans votre livre, vous parlez d'Hubert, le français des Gorges du Loup, d'Enzo, l'italien, et d'une avocate spécialiste des droits de l'homme qui, elle, faisait l'aller-retour Ventimiglia-Calais dans le week-end. Comment aident-ils ces réfugiés? Quel est leur état d'esprit à ces gens-là? Je crois que c'est un état d'esprit qui n'est pas différent de ces personnes qui sont au contact quotidien, direct avec les réfugiés, que ce soit à Calais, que ce soit dans le quartier de la Chapelle à Paris, ou à la frontière italienne, ou à Lampedusa, comme on a pu l'entendre dans la première partie de cette émission. C'est-à-dire qu'ils sont confrontés journellement à, je ne vais pas parler de misère, parce que ces personnes qui arrivent sont des gens qui ont eu un foyer, un travail, souvent issus de la classe moyenne. Misère morale. Voilà, en tout cas ce sont des gens qui ont traversé des moments, qui ont fait un voyage extrêmement difficile, qui sont atteints par l'exil. C'est extrêmement difficile d'avoir dû quitter parfois sa famille, son foyer. Bien sûr. Et lorsque vous avez quelqu'un en bas de chez vous qui n'a pas de toit ou qui a besoin d'avancer, d'aller plus loin dans son voyage, eh bien ces gens les aident. Pas forcément dans une logique militante, mais davantage... Humaine, simplement? Oui, humaine, même pas humanitaire, humaine. Mmh. Et donc Hubert, pour parler de ce Français des Gorges du Loup, Hubert Jourdan, pour le nommer, c'est quelqu'un qui, depuis juin 2015, accueille les réfugiés à son domicile, avant qu'ils ne poursuivent leur voyage, pour qu'ils puissent souffler, manger, se reposer, se détendre. Et je suis passé le voir il y a quelques jours, là, et il m'annonçait un chiffre d'un millier de réfugiés passés par chez lui. Alors c'est une maison perdue dans les Gorges du Loup, avec plusieurs dépendances, qu'il louait auparavant, et puis qu'il a décidé d'arrêter de louer, puisqu'il faut loger du monde. Et donc il n'est pas rare de voir 20-30 réfugiés chez lui. Et puis Hubert, c'est quelqu'un qui a fait la route dans les années 70, qui est allé en Afghanistan, qui a passé plus d'un an en Inde, qui ensuite a été guide au Pakistan, qui ensuite s'est engagé dans l'humanitaire, en Afghanistan à nouveau, c'est un amoureux de l'Afghanistan, en Haïti aussi. Et donc c'est quelqu'un qui a un rapport tout à fait naturel avec l'altérité et avec ces jeunes. Et certains d'entre eux... passe plusieurs mois, plusieurs semaines, parfois plusieurs mois chez lui parce qu'il s'y sent bien et parce qu'il y a des amitiés qui se nouent entre lui et certains jeunes. Alors, au sein de votre parcours radiophonique et professionnel, avant ce reportage sur la frontière entre la France et l'Italie, il y a eu pour vous Gaza, Ramallah, Bagdad, Kaboul, des zones de fracture, comme vous les appelez. La frontière franco-italienne, c'est devenu une zone de fracture. Toute comparaison est oui, évidemment à relativiser, hein, on est bien d'accord. Oui, alors attention, il y a des morts. Hein, c'est pour ça que je dis ça. Il y a des morts à la frontière franco-italienne, 8 depuis juin 2015. La plupart du temps, ce sont des personnes qui se font écraser dans les tunnels qui relient de l'autoroute qui relie la France à l'Italie. D'autres se font électrocuter lorsqu'ils essayent de passer sur le toit des trains, tombent des viaducs, se font écraser par des scooters, parce qu'aujourd'hui le camp de la Croix-Rouge du côté italien a été relégué à la périphérie de la ville, et donc les réfugiés, lorsqu'ils veulent passer en France, ils sont obligés de marcher la nuit sur le bas-côté d'une route, et ça provoque des dangers. Mais non, on peut pas parler de la même zone de fracture telle qu'on peut la voir à Lampedusa ou en Libye, ou bien sûr à Gaza où j'ai pu vivre, ou à Bagdad. Mais ces jeunes gens, parce qu'ils sont jeunes pour la plupart, sont confrontés à un mur, et ce mur, ils ont envie de le passer, et dès qu'on érige un mur, et depuis que le monde est monde, eh bien on a envie de le contourner, et en le contournant, plus il est grand ce mur, eh bien plus il est difficile de le passer et plus il est dangereux. Et si on veut continuer la métaphore, c'est quand même pour ces gens-là une zone de fracture dans leur vie, en tout cas, évidemment. Oui, alors c'est très difficile lorsqu'on a vécu, prenons l'exemple de mes deux amis Ibrahim et Ahmad. On allait en parler, absolument. Dont on parlera certainement. C'est d'autant plus difficile que lorsqu'ils quittent le Darfour, qui est en guerre civile, qu'ils arrivent à Khartoum dans une situation difficile parce qu'ils sont en bisbille avec le régime d'Omar el-Béchir. Ensuite, ils traversent le désert de Libye. Ils arrivent dans un pays où il n'est pas exagéré de parler de mise en esclavage des réfugiés et des migrants. Oui, on s'y arrêtera, parce que c'est important. Ils traversent la Méditerranée et ils s'attendent, lorsqu'ils arrivent en Europe, à être traités de façon digne. Alors, bien sûr, ce qui se passe en France, en Italie, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas... Mais ils ne s'attendent pas à être confrontés à parfois à la matraque des policiers, à être confrontés aux nuits dehors, aux nuits sous les ponts, dans le froid et sous la pluie. Quel est leur espoir exactement? Parce qu'ils savaient déjà avant de partir que ça serait pas facile, y compris dans les pays occidentaux. Mais quel est l'état de leur espoir? Dans quel état d'esprit ils arrivent exactement? Je ne sais pas si on peut parler d'espoir. Enfin, je crois qu'il faut d'abord parler d'un désespoir et de la fuite d'un désespoir. Moi, la plupart des réfugiés, et je les compte par dizaines, sinon par centaines, que j'ai rencontrés depuis que je fais du journalisme, du reportage, ce sont d'abord des gens en exil, c'est-à-dire des gens qui ont été contraints de partir, donc qui l'ont dans leur chair et qui n'ont pour souhait, pour la plupart d'entre eux, pour un certain nombre d'entre eux, de revenir dans leur pays pour retrouver leurs proches, pour retrouver leur foyer, leurs habitudes, leur culture, la bouffe, que sais-je. Après, en ce qui concerne mes deux camarades Ibrahim et Ahmad, il y a l'espoir de... Pour ce qui les concerne, parce qu'ils ont appris la France à l'école, la France de la Révolution française, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des valeurs. L'espoir, c'est de voir en vrai ce qu'ils ont appris à l'école. Il faut savoir qu'il y a des milliards d'adolescents, d'enfants qui ont appris la Révolution française, et qu'aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent en France, ils sont un peu déçus. Ce fut le cas d'Ibrahim et d'Ahmad lorsqu'ils sont arrivés en France. Ils avaient soif d'étudier, ils avaient soif d'avancer dans leur vie, et ça n'est pas aussi facile qu'ils le pensaient. Alors, on va écouter Ibrahim, l'un de ces deux Soudanais. Il s'agit bien sûr d'un extrait de votre documentaire diffusé en octobre 2016 au sein de l'émission La Série Documentaire de France Culture. Et Ibrahim revient évidemment sur sa situation à Ventimiglia. Concrètement, vous arrivez le premier jour, vous ne pouvez trouver nulle part où dormir, parce que vous ne connaissez personne, vous n'avez pas d'adresse où trouver refuge. Le premier jour, vous dormez à la rue. Ensuite, vous cherchez le camp humanitaire quand il y en a un. Le plus important pour nous, c'est de trouver un toit. La nourriture n'est pas la chose la plus importante. On se contente de manger sur le pouce, des biscuits, de l'eau, ça nous suffit. Ce qui nous importe, c'est un endroit où dormir. C'est ça le plus important. Ici à Vintimille, on a accès à ce camp de la Croix-Rouge. Ils sont vraiment bons avec nous. Ils nous accueillent, nous offrent un lit avec des couvertures, trois repas par jour. C'est bien. Voilà, personne ne peut mieux parler du sort d'Ibrahim qu'Ibrahim lui-même, évidemment. Et pour vous, il y a un moment de bascule. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes journaliste, vous vous intéressez au sort de ces gens dans une logique d'information. Et puis à un moment, vous les aidez. Qu'est-ce qui se passe intimement? C'est quoi la bascule? C'est le samedi 3 octobre à la gare de Vintimille, après des mois à couvrir cet événement, après avoir couvert la révolution libyenne en m'intéressant essentiellement aux réfugiés subsahariens qui se trouvaient là-bas dans une situation terrible. Donc c'est sensible au destin et au sort de ces personnes que je suis en reportage, dans un environnement intellectuel particulier, puisque bon, je vous parlais d'Hubert, je dors chez lui, il me loge lorsque je suis en France. En Italie, je suis chez un vieux membre actif du Parti communiste italien, un peu embourgeoisé, c'est vrai, Enzo Barnaba, spécialiste de la frontière, historien de l'immigration. Et ce samedi 3 octobre, je suis en compagnie d'une avocate dont vous avez parlé, qui effectivement, chaque samedi et chaque dimanche, sur ses propres données, vient conseiller les réfugiés à Vintimille et à Calais. Et elle s'intéresse elle répond aux questions d'une famille kurde qu'elle tente de convaincre de ne pas aller en Angleterre, c'est-à-dire de ne pas aller à Calais, puisque cette famille kurde dort sur le perron de la gare de Vintimille avec deux enfants en bas âge, deux jeunes filles d'un et deux ans. Et elle ne les voit pas s'installer dans la fange de la jungle de Calais et les incite à demander l'asile en France. Et ce dernier dit très bien, finalement, après des palabres et des heures de négociation, dit d'accord, je vais aller demander l'asile à la préfecture de Nice. Aussi demande-t-il à l'avocate, ben, emmenez-moi à la préfecture de Nice pour que je formule ma demande d'asile pour moi et les miens. Et là, l'avocate lui dit, ben non, la frontière est fermée, donc vous ne pouvez pas demander l'asile. Enfin, en tous les cas, moi, je ne peux pas vous emmener. Et aussitôt, il se tourne vers moi, puisqu'il a vu que j'étais arrivé en automobile. Et il me dit, toi, j'ai vu que tu avais une voiture, est-ce que tu peux nous emmener? Voilà, que fait-on lorsque un père de famille, que j'avais vu depuis plusieurs jours, monter la garde autour des siens, tel un chef de meute, un loup, en proie aux passeurs, en proie au froid. Et qu'est-ce que... Alors je me réfugie, voilà, techniquement, je peux pas. Techniquement, je peux pas parce que j'ai qu'une voiture et passer à Menton, c'est pas possible. Passer à Sospel, ce serait mieux d'avoir deux voitures. Donc j'appelle Hubert pour qu'il se charge de trouver quelqu'un, de les faire passer. Et j'ai un cas de conscience à ce moment-là. Je me dis, mais comment ai-je pu manquer de courage? Comment ai-je pu manquer question d'honneur? Je sais pas. Et au même instant, il y a cet Ibrahim qu'on vient d'entendre, qui est à la coule sur la rambarde du perron de la gare de Vintimille et qui nous écoute depuis tout l'après-midi. Et par des échanges de regards, quelques paroles également échangées, il y a peut-être une amitié naissante qui se noue, comme ça peut arriver à quiconque dans une queue de supermarché, ou sais-je encore. Et il me dit qu'il a envie de témoigner. J'ai passé la journée dans cette gare à écouter des récits plus horribles les uns que les autres, et j'hésite à sortir de mon micro pour finalement l'enregistrer. Et je sais pas, on s'entend bien. Et surtout, il a envie d'aller en France. Et c'est tellement rare chez les réfugiés aujourd'hui d'aller en France, parce que la France dégage une image aujourd'hui qui n'est plus celle qu'elle dégageait auparavant. Ça n'est pas un pays dynamique aux yeux des réfugiés. C'est-à-dire que le migrant, le réfugié, lorsqu'il cherche un endroit où trouver l'asile, il réfléchit d'abord non pas aux questions sociales, de droits, de subventions ou que sais-je encore, mais davantage sur le dynamisme d'un pays. Et Ibrahim veut aller en France. Me touche. Ça vous touche. Et là, vous l'emmenez avec l'un de ses amis, Ahmad, c'est ça? Ahmad, oui. Et vous passez par la montagne. Oui, alors je m'entretiens d'abord avec Enzo, qui cet Italien dont je parlais, qui a 75 ans, qui a vu le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour lui demander son avis. Et oui, je les emmène par la montagne parce que je sais qu'il n'y aura aucun risque d'être arrêté par la police française. Et je ne veux aucun risque pour eux parce qu'ils ont déjà été refoulés par deux fois par la police française. Et ce, malgré des demandes orales d'Ibrahim en anglais à des policiers français de dire « mais je veux aller en France, je veux demander l'asile », lesquels font mine de ne pas le comprendre et le refoulent vers l'Italie. C'est extrêmement difficile, vous savez, vous passez la frontière et puis la police française attend le soir afin qu'il soit trop tard lorsque vous rentrez à la gare de Vintimille pour dormir dans le camp de la Croix-Rouge puisque les portes ferment à 22h. Mmh. Donc ça veut dire que si on manque son passage, on va encore dormir la nuit. Et donc je les fais passer effectivement par le col de Fenestre à près de 2500 mètres d'altitude, plus au nord. Dans ça dure combien de temps? Oh, c'est 6 heures d'ascension, 3 heures de descente. Bon. Je vous ai bousculé un peu, je suis désolé, mais je voudrais qu'on écoute Ibrahim, qui vous a raconté les anciennes étapes de son exil, notamment en Libye. Hein. Vous avez dit qu'on reviendrait là-dessus. Il s'agit de nouveau, bien sûr, d'un extrait de votre documentaire Passeur, diffusé sur France Culture. En Libye, nous avons vu des choses que nous n'oublierons jamais. Avant de nous mettre sur un bateau pour traverser la mer, les gens étaient battus, la nourriture infecte, le logement inqualifiable. Tu avais beau payer pour tout ça, tu étais quand même très maltraité. Ils vous appelaient Abid ? Ce mot, tu l'entends à tout bout de champ. Ça veut dire quoi, Abid ? Abid veut dire esclave. Toutes les personnes noires de peau en Libye n'arrêtent pas d'entendre ce mot. Même si tu te lis d'amitié avec l'un d'entre eux. Even if you became friend with them or anything. Mais le pire, c'est les Érythréens qui le vivent. And the way they, you know, bring them. D'Érythrée, ils passent par le Soudan. You know, ensuite, ils traversent le désert du Sahara jusqu'au sud de la Libye. Cross a Sahara to Libya. Jusqu'à une oasis qu'on appelle Sabha. City called Sabha. From Sabha. De Sabha. You know how they bring them. Tu sais comment ils les emmènent à Tripoli? Non. On the Comment pourrais-je dire ça? Tu sais, les gros camions qui transportent de l'essence, ils les mettent dedans. Vraiment? Dans les citernes. Après que la citerne a été vidée de son fuel et de son essence, il n'y a pas du tout d'oxygène à l'intérieur. Ils en mettent une centaine là-dedans. Ou 80, 70. À peu près ce nombre-là. Et puis ils ferment la citerne pour les emmener de Sabha à Tripoli. À Ben Walid, exactement. Un peu avant Tripoli. Ils ont une ferme là-bas. Ah, ça montre qu'il y a plusieurs sortes de passeurs. Il y a les passeurs humains et puis il y a les criminels, les exploiteurs de misère humaine, notamment en Libye. Oui, je crois que il y a aussi, je pense aux contrebandiers basques qui ont fait passer des juifs pendant la guerre. Il y a aussi des passeurs professionnels et consciencieux, je dirais. Oui, oui. Alors, en septembre, donc, vous passez la frontière avec ces deux personnes, ces deux Soudanais. Que se passe-t-il après ? Que se passe-t-il après ? Pour eux. Eh bien, ils vivent à la maison pendant plusieurs semaines avec un réfugié iranien qui devait être de la partie, lequel a finalement réussi à passer tout seul. Et ensuite, j'attends la promulgation de la nouvelle loi sur les demandeurs d'asile qui leur permet de travailler lors de leur demande d'asile pour les envoyer dans l'ouest de la France. Parce que là-bas, les préfectures sont moins engorgées, les fonctionnaires préfectoraux sont moins soumis à la pression, et ils vont chez un ami d'abord, et ensuite ils s'installent dans un squat, puisque le dispositif d'accueil en France est engorgé, et ils obtiennent l'un et l'autre la protection de la France. Et aujourd'hui, que font-ils ? Il ne nous reste 15 secondes, c'est pour ça que j'arrive à aujourd'hui. L'un est réfugié, l'autre a la protection subsidiaire. Ouais. Ils apprennent le français pour l'un, l'autre a de la formation professionnelle et apprend le français. Je ne vais pas dire que c'est rose, hein. C'est difficile ce qu'ils vivent. Mmh. Notamment pour Ibrahim qui pense beaucoup à son pays, qui pense beaucoup à sa famille et à sa mère notamment. Merci infiniment Raphaël Kraft et je rappelle le titre de votre livre, Passeur, sorti en janvier, donc on le trouve dans toutes les librairies, hein, sans problème, chez Buchet-Chastel. Merci. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Lampedusa et le drame des migrants, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire dite du Grelet. C'est un fait divers.